n'est pas là. J'éprouve l'impression, non pas qu'il fasse froid, mais qu'elle est vide la maison. Je tourne carrément en rond, je vais ça et là, pour la simple et bonne raison que je suis seul en cet endroit. Je réfléchis posément assis, accoudé à ma table débarrassée, et me dis qu'un rien me suffit à me trouver fort embarrassé de n'être pas assez entouré. Et ce temps fichu et pourri m'a trempé jusqu'aux osselets, qu'il m'a fallu ôter mes habits. Je me retrouve nu comme un ver, dénoué, dénué de tout sens. J'ai le chant comme après ma mère, à boire de son légoulement. J'entends rattraper tout manquement. Où es-tu ma belle laitière? Où m'a mis le fromage blanc, encore pleine jusqu'à hier? Si tu trouves mes propos dissonants, quoi qu'en pense ton père et ta mère, pour ma part c'est un compliment. Si je te compare à une laitière, y'a rien de gênant, bien au contraire. Je ne vais quand même pas mettre des gants pour me farcir ton beau derrière et te baiser de temps en temps. Classique et de clavecin, que oui ou non cela te plaise. Je suis tout seul avec Couperin, plus âgé que le plus sage des saints. Et qu'à Saint-Pierre ne déplaise, que soir et matin je masse les seins de Sophie avec ou sans terre glaise, avec sagesse et philosophie. D'ailleurs y a pas de raison de s'en faire, je passerai la nuit sans Sophie, elle qui adore se faire traire. Je rêve d'elle et je m'empêtre, et par prudence je me méfie de ces luttes amoureuses, ces champêtres. Je l'attends et la défie. Si je sens ce vide par ton absence, soutaine quelque amertume en ce moment de morale défaillance, que le vent emporte la plume, qu'elle rejoigne Pierrot sur la lune. Avec la solitude je me fiance, et doucement je m'accoutume à cette paisible alliance. Une fois n'est pas coutume.